Dernier des camps, je suis natif. Thank you. après ça va pas le refrain. Jamais le refrain. Face à l'étendue de ma peine, que n'ai-je entendu les sirènes. Face à l'étendue de ma peine, je me baignerai nu dans la Seine. Du dernier des camps, je suis natif. Je suis turbulent, je suis négatif. C'est par le vent sur quelques îles. Je suis vidé de mon sang, trop émotif. Gamma. Merci. Allez Ben. Ben, Benoît, Benjamin.